bête, c'est normal. Pussy tight, incroyable. Elle veut me voir, histoire de wanna bang you over, tu m'en veux. Dans la ville, elle aime la dégaine, le style. Elle veut, c'est moi, oui. Photo, et nova, yo, yo. Une vraie mouée, pas ni photo. En sa vie, elle met choco dans la chambre ou dans l'auto. Choco dans la chambre ou dans l'auto. Cabresse à fond de coco. Fesses, coco, sexe, auto. Moi dis ou fesses, coco. J't'ai dit fesses, coco, sexe, auto. Moi dis ou fesses, coco. Bubble, bubble, on y pèse qu'on Pepsi. Set and sit, on y pression. On tcha tcha Mexique. Hola en cabine comme Balchensi. Check en cop, en NSC. En son bas, Messi, Fessli ou Kadi Messi, Kadi Messi. Dans la ville, elle aime la dégaine, le style. Elle veut c'est moi, oui, auto, Benova, yo, yo. Vin vrai mouais, pas ni photo. En sa vie, elle met choco dans la chambre ou dans l'auto. Cabresse à fond de coco. Fesses, coco, sexe, auto. Moi dis ou fesses, coco, fesses, coco. J't'ai dit fesses. Coco, j't'ai dit fesses, coco, sexe.